Et chaque soir c'est reparti, l'inspire mon sentier. Les soucis nous anéantissent, j'écris sur le monde entier. Planté sur un scooter à faire livreur tout l'hiver. Faut payer mon album sister, c'est la misère. Parfois je me sens si seul, merde, appelle-moi le solitaire. Il n'y a aucune lune qui m'éclaire, aucune thune pour me distraire. Je tiens pour mes sons et mon nom car je suis pas lâche. Faut que je marche sans louper de marche, faut que ça marche mais... Le temps passe et me remplit de rancœur. Comme un enfant j'ai peur, mal au cœur. À fleur de mots parfois je me sens tomber dans la noirceur. Je me démerde, me démène, mais c'est la même rengaine. Ouais c'est toujours la même scène, quand mon cœur lui-même saigne. Putain de mal man, pourquoi chaque soir je prends le mic man. Méloman, de texte, mélodrame, mes rimes s'emballent man. Un jour on avancera droit comme les navires de la Navy. Rien à foutre de pas cette puissance, sera ravi et fier de nos vies. C'est pour toutes les personnes qui ne vivent pas une vie de rêve, mais qui pourtant au fond d'eux gardent espoir. Et qui font tout pour ne pas que leur bonheur s'achève. Car on s'en fout de ne pas avoir été une star. C'est pour toutes les personnes parfois prises dans la mélancolie et qui vont peut-être mal ce soir. On n'arrivera peut-être pas tous à fermer l'œil de la nuit, mais on y croit, on fera de nos vies des œuvres d'art. Parfois je pense à l'enfer, au destin, à ce qui nous attire. Je resterai fier tant que je respire, enfin que je reste libre. Mais quand je retourne sur terre, tout est restreint, c'est flou. Car c'est vrai que tout reste à faire et ça se tient même si c'est fou. Ici rien n'est faux, les rêves ne suffisent pas pour vivre. On a autant besoin d'argent que d'oxygène pour survivre. J'aurais bien aimé que la réalité ne soit pas synonyme de vérité. Héritier d'un monde plein de peine sans sérénité. Alors j'ai peur de quoi? Non pas de toi, j'ai peur de moi. Peur que sans avoir la foi, je me sente une fois devenir froid. J'ai peur du temps, pas réaliser mes rêves à temps. Que la vie m'attende, après tout tu vois qu'on n'est pas si différents. Je me souviens encore, quand j'étais petit je rêvais de l'infini. Trouver un médicament pour que papa et maman puissent vivre une décennie. À fleur de mots j'ai rêvé que ma vie puisse être dessinée. J'ai pris une feuille et un stylo, était-ce décidé ou destiné? C'est pour toutes les personnes qui ne vivent pas une vie de rêve, mais qui pourtant font d'eux gardent espoir. Et qui font tout pour ne pas que leur bonheur s'achève. Car on s'en fout de ne pas avoir été une star. C'est pour toutes les personnes parfois prises dans la mélancolie et qui vont peut-être mal ce soir. On n'arrivera peut-être pas tous à fermer l'œil de la nuit, mais on y croit, on fera de nos vies des œuvres d'art. Souviens-toi du bon temps, quand pour un rien on était content. Souviens-toi à 12 ans, quand on imitait les grands. Quand on regarde des enfants et qu'on se voit maintenant. Comprends qu'on a perdu la notion de vivre à cause de l'argent. On l'accepte pas en vie pour l'excès, le succès, tu le sais. Alors c'est normal qu'on brûle des voitures pour exister. Dis-moi, tu crois au changement, franchement? Qu'on aura plus de rancœur nous poussant à boire ou fumer pendant 10 ou 15 ans. Alors cette putain de haine prendra toujours une place dans nos cœurs. Et ces putains de larmes couleront toujours en effaçant le bonheur. Les unes après les autres, pour des thunes ou des petites fautes. Pendant que des typhons abattent les maisons des gens déjà pauvres, qu'ils en ont eu déjà trop. Pendant que nous on boit trop, prend le métro. Mais en connaissance de misère, on est loin d'être des pros. Alors on devrait sécher nos larmes et ne jamais perdre espoir, toujours y croire. On peut tous faire de nos vies des œuvres d'art. C'est pour toutes les personnes qui ne vivent pas une vie de rêve, mais qui pourtant au fond d'eux gardent espoir. Et qui font tout pour ne pas que leur bonheur s'achève. Car on s'en fout de ne pas avoir été une star. C'est pour toutes les personnes parfois prises dans la mélancolie et qui vont peut-être mal ce soir. On n'arrivera peut-être pas tous à fermer l'œil de la nuit, mais on y croit, on fera de nos vies des œuvres d'art. C'est pour toutes les personnes qui ne vivent pas une vie de rêve, mais qui pourtant au fond d'eux gardent espoir. Et qui font tout pour ne pas que leur bonheur s'achève. Car on s'en fout de ne pas avoir été une star. C'est pour toutes les personnes parfois prises dans la mélancolie et qui vont peut-être mal ce soir. On n'arrivera peut-être pas tous à fermer l'œil de la nuit, mais on y croit, on fera de nos vies des œuvres d'art.